Hélène Ostrorog, nouvelle polonaise du XIXe siècle, par Olympe Chodzko. Chapitre 1er. Le comte Edmond Ostrorog appartenait à l'une des plus illustres familles de la Pologne. Orphelin dès son enfance, on confia sa tutelle à un oncle maternel qui lui donna une éducation aussi solide que brillante. À 25 ans, Edmond devint maître d'une immense fortune. La vie semblait s'ouvrir devant lui belle et riante. Edmond possédait tout ce qu'on aime et tout ce qu'on envie. Il était beau, spirituel, riche. Son genre de beauté était tout intellectuel. Sa physionomie portait l'empreinte de la tendresse et de la passion. Mais son regard eût été trop fier s'il n'eût été adouci par une indéfinissable expression de bonté. Bien jeune, Edmond avait rêvé la gloire, non la gloire stérile que veulent à tout prix les êtres médiocres, mais la gloire des grandes actions, la gloire récompense du dévouement. Il voulait répandre son sang pour sa patrie, pour cette noble cause, qui était pour lui une religion sacrée. Edmond embrassa la carrière militaire, et il s'était déjà distingué dans plusieurs campagnes, quand les événements de 1812 vinrent ranimer toutes ses espérances. Les Polonais croyaient alors que Napoléon, dans l'intérêt de sa dynastie, rétablirait la République de Pologne dans toute son intégrité. Napoléon ordonna aux Polonais de mettre le siège devant Smolensk, et ils reprirent cette ville aux Moscovites après avoir fait des prodiges de courage. Parmi tous ces braves, au milieu de tous ces beaux faits d'armes, Edmond eut encore le bonheur de se distinguer. Mais, grièvement blessé, il fut fait prisonnier et conduit à Moscou. Ensuite, on l'envoya au fond de la Moscovie, où on lui assigna pour exil la ligne du Caucase. Mais dans la crainte que les Russes ne traitassent leurs prisonniers avec trop d'égard, on leur cacha soigneusement le nom d'Edmond. Après avoir traversé un pays sauvage, après avoir enduré les privations les plus cruelles, les prisonniers arrivèrent à Georgievsk, lieu de leur destination. Le jour était à son déclin quand on approcha de la ville. Ici devaient finir les peines que l'homme de courage sait supporter. Mais là aussi devaient commencer les amères douleurs de l'exil. La liberté, l'indépendance, tout devait mourir là, tout, hors le souvenir de la patrie. Dans les contrées envahies par les moscovites, les habitants régnicoles, c'est-à-dire les montagnards, défendent pied à pied leur patrie. Ils ne s'adonnent pas à l'agriculture, ils naissent guerriers, ils meurent guerriers. Toujours montés sur des chevaux aussi alertes, aussi intrépides qu'eux, ils gravissent des rochers inaccessibles, ils franchiraient l'enfer pour atteindre un moscovite, et passant leur vie à guerroyer, le butin arraché à l'ennemi est leur seule richesse. Les prisonniers de guerre furent conduits à l'hôtel du gouverneur militaire de Georgievsk. La noble et imposante figure de ce général, la douceur avec laquelle il les reçut leur causa presque de la joie, et comme on le pense, beaucoup de surprise. Le gouverneur était d'un âge avancé. Son front, couvert de cicatrices, témoignait de ses honorables services. Le gouverneur, plein de justice et d'humanité, donna à tous les prisonniers la liberté sur parole, en permettant à chacun de choisir la demeure et le genre d'occupation qui lui conviendrait le mieux. Edmond, qui comme tous les êtres qui pensent et comme tous les êtres qui souffrent, aimait la solitude, choisit une habitation écartée. Il passait ses matinées dans les environs de Georgievsk, et souvent il dirigeait ses promenades vers les belles eaux minérales qui se trouvent au pied du Caucase. Ce lieu est une admirable création de la nature. Là, Dieu a tout fait, et les hommes n'ont qu'à admirer. Les eaux sont ombragées par des arbres à branches touffues. Le chemin serpente le long d'une ligne de monticules pierreux couronnés de bouleaux, ressemblant, par leur capricieuse symétrie, à quelque mystérieux et gigantesque monument d'une race d'hommes éteinte. Edmond se plaisait de prédilection au milieu de ces sites sauvages. Son regard errant allait du ciel à la terre. Il étudia l'homme en contemplant tout ce que Dieu a fait pour lui. Il étudia l'homme, âme de ce grand tout, dont chaque partie concourt aux nécessités de sa double vie, comme besoin ou comme plaisir. L'homme, pareil à l'insecte éclos sur la plante qui le nourrit, l'homme qui prend la couleur du sol sur lequel la main de la Providence l'a posé pour vivre et mourir.